poupinette, c'est pas bon, tous les paillères deviennent sa copine. Parce qu'en fait, nos poupinettes disaient qu'elle était une poupinette. Oh, vas-y, fais-moi mal.